Bien, donc bonjour à tout le monde. Donc c'est la deuxième séance du séminaire sur les classes sociales et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rémi Sainton. Donc Rémi Sainton, il est docteur en sociologie et sa thèse portait sur les reconversions extrascolaires du capital culturel, une révision de la mobilité sociale depuis ses marges, thèse qui a été soutenue en 2014. Il est actuellement membre de l'équipe enquête terrain théorie du centre Maurice Holbach, laboratoire de sociologie quantitative CREST, qui est associé au Centre de sociologie européenne CESSP. Alors, ses thèmes de recherche, en fait, portent sur les questions de stratification et de mobilité sociale, aspects culturels, économiques, matrimoniaux et territoriaux, sur les questions de la socialisation scolaire, familiale, professionnelle, genrée, les groupes de pairs, les cercles de connaissances et de reconnaissance, la sociologie et l'histoire des sciences aussi, avec la théorie de la stratification sociale, l'épistémologie générale, et l'ethnographie, les statistiques et les archives, pluralité des modes de production et des usages. Il a publié récemment « Repenser la mobilité sociale » aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales en 2018, qui analyse en fait les théories sociologiques de la stratification et de la mobilité sociale produites depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui en France et en Angleterre. Et il vise dans une perspective épistémologique à critiquer les biais théoriques en fait, des théories de la stratification sociale et les types de catégories réifiantes souvent qui sont utilisées dans les théories de la stratification sociale. Il a publié par ailleurs des articles en fait, sur la méthodologie des enquêtes de terrain, les inégalités d'acquisition scolaire, l'échec scolaire. Et donc le thème de la propos d'aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, s'intitule donc la stratification et la mobilité sociale dans la sociologie du XXe siècle, quelques biais durables et pourquoi ils persistent. Donc on lui donne la parole pour une heure à peu près de conférence, mais un peu plus, hein, c'est pas très grave, et puis on gardera une heure de discussion. Voilà. Merci. Donc, bonjour et merci de m'avoir invité, je suis très honoré.